le paquet, invité qui le paquet. Qui le paquet, Inji, qui le paquet. Qui le paquet, dans le matin, depuis Lausanne, Polixen, Yavalse. Qui le paquet, invité qui le paquet. Qui le paquet, Inji, qui le paquet. Qui le paquet, dans le matin. Le paquet, vite, qu'il le paquet. Qu'il le paquet, Inji, qu'il le paquet. Qu'il le paquet, dans le bataille, Philosène, Polixène, y a dansé. Maya, la Philosène, et Polixène. J'ai les olives, Maya, la salopette. Tu as besoin de sortir de cap pour arriver. Mon petit grand épée, mon petit guise, mais mon petit arrivé. Mon petit arrivé, bien fatigué. C'est la vie dans le moins vers Palita. Mon petit Palita dans le petit baba. Plutôt où donne-moi un des olives bacacan. Fais le tout, dis bonsoir, bonne convive. Maman Zélep n'a chapé l'ouk si moi. Mon religieux d'où moi voye béco. Mon temps crié, une lèvre pour qu'il le paquet. Qu'il le paquet, vite, qu'il le paquet. Qu'il le paquet, n'dit qu'il le paquet. Qu'il le paquet, donne un bataille, un nouveau et une nouvelle avancée. Qu'il le paquet, invité, qu'il le paquet. Qu'il le paquet, Inji, qu'il le paquet. Qu'il le paquet, dans le bataille, Philosène, Polixène, Yavalse. Invité d'honneur, moi péro de bonheur. Moi pépix, c'est lui, à pépix, c'est moi. Très bien, bon encore un autre maillas. Mais dans sa maillas, bâtiment quand en gaz. Bon petit camp quand en additionnel. Un côté pas ne gagne gâteau ma semaine. Si c'est côté, il ne gagne ma vie brisa. Quand il me fit l'eau, j'avais roulé ses gars. Je sens qu'au paquet, l'inspé va tout place. Maman nouvelle, tu ne bien vexé. Il dit qu'il au paquet, l'inspé, ma gagne bataille, ma glissé. Qu'il le paquet, vite, qu'il le paquet. Qu'il le paquet, vite, qu'il le paquet. Qu'il le paquet, n'dit qu'il le paquet. Qu'il le paquet, donne un bataille. Qu'il le paquet, invité, qu'il le paquet. Qu'il le paquet, invité, qu'il le paquet. Qu'il le paquet, invité, qu'il le paquet. Qu'il le paquet, dans le bataille, son philosène, Polixène, y a dansé. Qu'il le paquet, invité, qu'il le paquet. Qu'il le paquet, invité, qu'il le paquet. Qu'il le paquet, qu'il le paquet. Qu'il le paquet, dans le bataille. Qu'il le paquet, invité, qu'il le paquet. Qu'il le paquet, invité, qu'il le paquet. Qu'il le paquet, invité, qu'il le paquet. Qu'il le paquet, dans le bataille. Ce nouveau et une nouvelle avancée. Qu'il le paquet, invité, qu'il le paquet. Qu'il le paquet, qu'il le paquet, qu'il le paquet, mon ticket. le paquet dans le battage. Il osait les reconnaissants à danser. Il le paquet, mon dieu, il le paquet.